fou, 89.1 FM. 89.1 FM. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Le président de la GQTR, Alex Marchand, nous parlera des activités passées et à venir. Et Jean-Philippe Charbonneau nous paiera la traite dans une grosse pointe d'adresse. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 23 février 2017, à 63 jours de la fin de l'année scolaire, on t'en dirait des studios 6 fois à Trois-Rivières. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Salut Tania. Bon matin. Il fait noir ce matin. Il fait noir, mais il faut dire que la température n'est pas agressante. Non, absolument pas. Et par contre, à l'intérieur du pavillon des Rivaux-Chemins, c'est agressant. Si vous venez faire un petit tour, vous allez remarquer les planchers collants. Et surtout apporter votre... Bouchenet. Oui. La poubelle est virée à l'envers par-dessus le guichet. C'est... ouais. De toute beauté, c'est passé bien les choses hier, je crois, sur le campus. Mm-hmm. On va peut-être pouvoir en parler tout à l'heure avec Alex Marchand, qui va venir nous parler de la GEQTR, de tout ce qui s'est passé depuis la semaine passée et ce qui s'en vient dans la prochaine semaine. On va aussi avoir à 8h, qui est la case habituelle d'Alex Marchand, là, on l'a déplacé, vous allez voir. Donc, on va parler des élections de la GEQTR à partir de 8h. On va savoir tout ce qu'il faut faire pour s'inscrire, pour devenir peut-être... président. Oh, OK. On sait pas. Peut-être. Ensuite de ça, après ce bloc de la GA, on va avoir Jean-Philippe Charbonneau, notre directeur général. Même si c'est pas jour de paye, il nous paye quand même un petit peu à la traite, on l'a dit en intro. Donc, il va venir nous présenter quelques aliments. Oui. D'habitude chauffés parce que lui, il traîne son micro-ondes dans le studio. C'est vrai, on se rappelle la dernière fois. C'est beau, là. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Mm-hmm. Et au début de l'émission, dans quelques instants, ce sera Tania Esgolin-Tchégénia. On est jeudi, qu'est-ce que tu me présentes aujourd'hui? Eh bien, jeudi veut dire retour sur ce que j'ai retenu de l'actualité ou ce qui n'a pas nécessairement fait l'actualité. Parfois, ce sont juste des nouvelles qui ont passé peut-être un peu plus incognito avec tout ce qui dit dans les médias. Alors, je vous présente tout ça dans quelques instants. Génial. Mais avant ça, une nouvelle entrée du palmarès anglophone pour cette semaine. Voici Century Palm et Then You're Gone. À son âge. We'll never take. La formation Century Palm et Then You're Gone. Amen. Mm-hmm. Alléluia. Tous à genoux ou pas? Non, on se lève debout, en fait, pour applaudir Tania pour sa chronique qu'on aime tellement, on s'en passerait jamais. Comment qu'on appelle ça déjà? Tania. Is gonna entertain you? Ouais, c'est ça. J'étais pas. Ouais. T'étais pas sûr? Là, je suis prêt, oui. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. She's gonna dream. Et on est jeudi, comme tous les jeudis, ou presque. C'est le moment de savoir ce qui a attiré Tania attention. Oui. Hein? Ben, qu'est-ce okay. que s'est passé? Écoute donc. On a hâte de savoir. Ben oui, on a hâte de savoir. Avouez. J'imagine qu'on va savoir éventuellement. En faut théorie, pas nous oui. comme ça. Mais non. Okay. Mais non, voyons. On commence ça dès maintenant. On va y aller, mettons, avec... quelques catégories aujourd'hui, j'ai goût de dire. Est-ce que je peux rouler la roulette chanceuse des catégories? T'as le droit, comme oui. Comme le Trivia Crack. Exactement. En même temps, c'est toi qui vas décider ce qu'il y a dessus parce qu'on c'est ça. À radio. Fait que, attention. OK, on va y aller avec, par exemple, technologie un petit peu. Technologie. Ouais, exactement. Et aussi, domaine... quasiment hollywoodien. Oh, quasiment. Potin. Quasiment. Ben, vous allez comprendre pourquoi, en fait, c'est parce que vous connaissez probablement la compagnie Paramount Pictures. Mm-hmm. Bien, c'est le départ du patron. Ça a été annoncé un petit peu plus tôt cette semaine, mais Viacom a annoncé que le patron de ses studios de cinéma, Paramount... Le paratron, comme on appelle. Oui, c'est ça, exactement. Qui accumule beaucoup de pertes ces temps-ci. S'était retrouvé l'an dernier au centre d'une crise de direction au sein du groupe de médias américains. Et Brad Gray, qui est à la tête de Paramount Pictures depuis maintenant 2005 va démissionner et Viacom entame en fait une recherche exhaustive pour identifier un successeur. Mm-hmm. Donc si jamais ça vous intéresse, si jamais vous trouvez que vous avez du talent dans l'art du cinéma, bien, ils sont à la recherche d'un nouveau directeur, Paramount Pictures, et la compagnie fait partie des studios historiques de Hollywood, faut se le rappeler, et a produit quand même des succès comme Titanic, mm-hmm. Forrest Gump, Ghost, Godfather, pardon, toutes les séries Indiana Jones, toutes les Missions Impossibles, Transformers, c'est aussi eux. Donc, le studio a toutefois souffert beaucoup ces dernières années d'un manque de blockbusters. Ah. Les films qu'on semble produire ne semblent plus être aussi... des gros succès, là. ...populaires, mm-hmm. exactement, que dans le temps. Et il y a plusieurs flops, dont, par exemple, la version modernisée de Ben-Hur, qui est beaucoup plus, par exemple, chrétienne, là. Ça se passe vraiment comme... dans c'est pas religieux, là, ouais. Oui, exactement. Et c'est sur l'ensemble de l'exercice qui a été décalé de Viacom vers la fin septembre que les studios ont vu justement baisser de 8% et ils ont accusé une perte d'exploitation de 445 millions de dollars. Donc, on a encore perdu 180 millions de dollars sur le trimestre qui a été entamé en début octobre. Ça, si on met 445 millions plus 180 millions, on est pas mal dans le trou, là, on s'entend-tu? Donc, l'avenir du studio, en fait, avait été au cœur de la lutte qui pouvait justement opposer durant plusieurs mois l'ex-PDG de Viacom, Philippe Daumont, et la famille Redstone, qui contrôle la majorité, en fait, de la compagnie, surtout la majorité du capital de cette compagnie-là. Et Philippe Daumont voulait renflouer les studios en vendant une partie, un projet auquel la famille Redstone s'opposait. Donc, on n'a pas pu pouvoir faire cette transaction-là pour l'ex-PDG de Viacom. Et le PDG avait fini, lui aussi, par démissionner et avait été remplacé par Bob Bakish. Donc, après l'échec d'un projet comme celui-là, qui était un projet de rapprochement avec un autre groupe des médias contrôlé par les Redstone, qui est CBS, Viacom a présenté au début du mois un plan stratégique qui vise à recentrer sur 6 chaînes de télévision et sur Paramount aussi. Donc, le dernier a signé récemment un partenariat d'environ 4 milliards de dollars avec les groupes chinois SFC et... je vais sortir mon chinois. Yuhua Media. Ah, et voilà, pour cofinancer pendant 3 ans des films. Donc, on va voir à la suite de ça si tout ça fonctionne. Mais un petit peu plus tard, cette semaine, on devrait voir le patron, en fait, de Paramount démissionner. C'est un peu triste, ouais, je trouve. Triste. Mais tu sais, c'est très, très public, là, les films. On le voit quand c'est un succès ou un flop. Puis il y a de plus en plus de gens qui écoutent leurs films en ligne. Oui. Mais en même temps, les films sont produits quand même par quelqu'un. Oui. Et ça partira jamais. Ça, je suis d'accord. C'est pas comme les magasins grande surface. Non, exactement. Comme ça, ou les magazines que tu sais pas combien de gens lisent ça, tu sais. C'est vrai. Les films, tu le vois, il y a personne qui. T'as raison. D'abord, ça fait si on en entend parler tout le temps. Oui. Okay, oui. Les codes d'écoute du cinéma. Oui, c'est ça. Côté un petit peu plus technologie, parce qu'on disait que justement, on n'allait pas discuter de ça. Toi, Mathieu, tu dois automatiquement le savoir tellement tu es un freak d'Apple. Mais ouais. Apple va aménager à partir d'avril dans son nouveau siège social. Ça fait tellement longtemps qu'il est en construction. Exact. Il y a des vidéos YouTube vraiment super bien filmées. Je pense même que c'est en 4K avec un drone qui montre en temps réel comment ça va être. Ben, pas en temps réel. Ben, écoute, c'est ça, les illustrations qui ont été fournies par Apple sont assez surprenantes. Merci. Puis, on compare ça aussi. On compare le nouveau siège... Un siège. Pas nécessairement un bain, mais plus un campus. Ouais. Ça a des allures aussi de soucoupe volante en Californie, on va se le dire. Donc, c'est le groupe informatique américain Apple qui va commencer à déménager à partir du mois d'avril. Et c'est Steve Jobs qui avait présenté ce projet qui était très, très, très futuriste dans le temps, qui avait été imaginé par Norman Foster en 2011. Et il y a quelques mois avant le décès de Steve Jobs, on a décidé justement de mettre tout ça en place et de, de mettre la pomme de Disant à l'époque, en fait, que viser une installation dans les locaux, ça allait être fait pour 2015, mais bon, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu. Et c'est un complexe, comme tu le disais, qui ressemble quasiment à une baigne. C'est un complexe circulaire et ça va être baptisé le Apple Park. Ça va être basé comme, comme le campus actuel du groupe de Cupertino. Avec des arbres. Qui est dans la Silicon Valley, oui, exactement. Ouais. Et ça devrait être, à terme, hébergé plus de 12 000 personnes. Wow. Leur déménagement va prendre à peu près 6 mois et les travaux de construction devraient se poursuivre jusqu'à cet été à l'intérieur du bâtiment parce que là, bien évidemment, on a terminé l'extérieur. Mm-hmm. On a terminé ce qui est la plantaison des arbres. Mais tout ce qui se retrouve à l'intérieur du bâtiment, ça va se poursuivre jusqu'à cet été et dans les espaces extérieurs qui manquent encore un petit peu de finition. C'est ce qu'a précisé le groupe un petit peu plus tôt cette semaine. Et le nouveau campus, en fait, s'étend sur plus de 70 hectares. Il va y avoir un théâtre, des locaux de recherche et de développement sécurisés, bien évidemment, un centre de fitness. Ah oui, pour les employés. Ben oui, pour les employés. Ainsi que des pistes extérieures destinées aux salariés et il va même y avoir un verger. Wow. C'est vraiment, comme tu l'as dit, un campus, c'est comme une mini-ville. Oui. C'est super cute. Ça fait beaucoup penser à ce qui est très, très, très futuriste. Tu sais, comme exemple, on avait vu un film où... comment ça s'appelait? Oh là là là là! Je me souviens plus trop, mais ça se voit beaucoup dans les films qui sont futuristes dans le style qui disent que ce sont des colonies qui ont été changées ou qui ont été sauvées. On les a amenées à une place pour que ce soit plus sécuritaire et tout ça. Ça me fait beaucoup penser à ça, en fait. Et sûrement que ça va être aussi top secret que le Pentagone, qui est un petit peu la même chose, mais pas dans la même forme. Ben écoute, peut-être pas comme on le pense, parce que le grand public pourra accéder à un centre d'accueil pour les visiteurs. Et il va y avoir aussi un Apple Store, un café. Ah. Tu vas pouvoir aller visiter, en fait, l'Apple Park. Et les géants du secteur technologique se sont lancés durant les dernières années là, sur une série de projets architecturaux. Donc, Facebook avait confié l'agrandissement de son campus, lui aussi, à l'architecte qui était Frank Gehry. Amazon avait lui aussi fait faire construire à Seattle un plus grand campus. Et ça comprend plusieurs bâtiments qui sont sphériques, qui ressemblent aussi à des sphères très, très futuristes. Donc, on voit que du côté technologie, on continue à agrandir toujours nos installations. Et la ville californienne de Mountain View avait en revanche retoqué en partie en 2015 un projet pour Google et ça n'avait pas été autorisé, mais Apple, ça fonctionne. Ouais. That's it. Tant mieux pour eux. Ça fait... On va sûrement le voir souvent avec les présentations de nouveaux produits à partir de quand ça va être ouvert. Hein? Ils vont sûrement faire ça dans leur petit théâtre. Là. Probablement. Ouais. Tu sais, sinon, je verrais pas pourquoi on pourrait pas. Tu sais? Je pense que c'est ce qu'ils ont dit. Me semble. On y va du côté économie, peut-être, ou du moins argent. C'est un article du journal Le Monde qui nous dit que la quasi-totalité des billets en circulation portent des traces de cocaïne. Des billets de monnaie. Oui, d'argent. Les billets de monnaie. Ça ne surprend tellement pas. Donc, c'est une étude qui a été réalisée en fait par le FBI qui assure qu'un niveau significatif de cocaïne a été détecté sur, attention, pas une petite partie de la majorité des billets. Là. Sur 97% des billets qui sont mis en circulation aux États-Unis. Donc, c'est quand même beaucoup. Je ne m'attendais pas à un un chiffre aussi élevé. Mm-hmm. Et il y a quelques semaines, c'est une chronique qui faisait justement le détail de toutes les bactéries qui étaient colonisées sur les billets de banque qui avaient été en fait médiatisées et qui méritent vraiment d'être traitées d'argent quasiment sale, ben c'est ça, disons-le. Leur argent est un petit peu plus... c'est du papier plus poreux. Là. Ouais. Ici, c'est rendu du genre de... C'est ça, c'est plus la... Ouais, ou... quasiment. C'est ouais. plus la même sorte d'argent. Donc, c'était oublié qu'une autre cochonnerie que des bactéries qui se retrouvaient sur ces fameux billets de banque-là était en fait de la cocaïne. Et il y a deux raisons qui expliquent le phénomène. La première, c'est bien connu, c'est que si vous êtes un tant soit peu cinéphile, il y a une bonne ligne de coke, ça siffle avec un billet roulé en tube. Donc, comme dans la scène, par exemple, du Wolf of Wall Street où on se fait des lignes de coke avec un vin, puis pas mal tous les films américains, en fait, où justement le personnage de Leonardo DiCaprio prend de la cocaïne grâce à ça. Et la seconde raison qui tient au mode de circulation, quasiment de commercialisation de la cocaïne, c'est qu'on aurait échappé à peu de personnes qui figurent sur la liste des stupéfiants. Donc, elle est difficilement payable avec une carte de crédit. Tu vas payer souvent, justement, cette cocaïne-là avec de l'argent en billets et les échanges se font de main à main. Ouais. Donc, automatiquement, si la personne qui a mis la coke dans ton petit sachet te donne le sachet et qui prend l'argent, par la suite, cet argent-là, elle contient de la cocaïne. Donc, ce qui multiplie, en fait, les risque de contamination et surtout de c'est clair. Propagation, ouais. Mais tu sais, je l'ai dit plusieurs fois hors ongle, mais tu sais, mettons, dans un café, mettons, là, au hasard, là, un café, oui. mettons, qui oui, servirait oui. de la nourriture, tu sais, et que les caissiers, caissières s'occupent de la nourriture, de l'amener aux tables et de l'argent dans la caisse, je trouve ça vraiment dégueulasse qu'ils prennent ton bol de soupe par le bord et qu'ils mettent des petits croutons sur dessus avec leurs mains. Tu vises pas personne. Mais ben non! Ben non. Jamais. Ben non. Mais c'est un peu dégueulasse. Ben j'avoue. Il y a des machines à compter les billets, en fait, qui passent un petit peu sur le banc des accusés dans tout ça, parce que les auteurs de l'article se sont concentrés sur les dollars et de 1993 à 2009, ils ont analysé plus de 4000 billets verts qui étaient issus de trois sources seulement. Donc, des billets tout neufs qui n'avaient jamais été mis en circulation pour servir en quelque sorte comme étant le point central de départ. De l'argent lambda qui avait été récupéré auprès d'établissements bancaires qui étaient installés dans 66 villes, mais qui avait été réparti sur 43 États américains. Et par la suite, on a mis tout cet argent-là ensemble et on a pu voir justement cette étude qui disait que plus de 97% de nos billets de banque aux États-Unis sont contaminés de cocaïne. Wow, c'est le fun! Je trouve ça quand même très drôle. Ouais. C'est vraiment un chiffre gros. Uh-huh. Tu sais, je m'attendais pas à 97%. Pour ceux qui se demandent, là, j'ai souvent entendu ou lu dans des articles français, tu sais, les Français ont un vocabulaire particulièrement, on va dire, différent du nôtre. Mm-hmm. Moi, je dirais gossant. Oui. Lambda veut dire un membre considéré comme le plus ordinaire d'un ensemble. C'est le lambda du groupe. Okay. C'est plate. Ah, bon, tu vois, l'argent plate. C'est ça. Normal. Exact. Ouais. Mathieu, je suis tombée sur un article de lesaffaires.com qui nous explique à quoi ça sert d'avoir une assurance santé haut de gamme. Ah oui, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Oui, nous. C'est ça. Hein? Déjà, à la base, il y en a qui ne savent pas nécessairement qu'est-ce qu'une assurance santé, mais là, il existe au Québec, au Canada et un petit peu partout des services d'assurance qui sont dits de luxe. Et au côté de l'assurance santé, bien, c'est quelque chose qui existe aussi et on n'a pas nécessairement envie d'attendre 6 mois pour une chirurgie. Certaines assurances donnent accès rapidement à des soins privés au Canada ou ailleurs dans le monde et c'est ce qu'on appelle l'univers de la santé VIP, le fameux haut de luxe de l'assurance santé. Donc, il existe des assurances privées qui aident les gens à obtenir les diagnostics qui vont être plus justes et les traitements de la plus haute qualité dans les meilleurs délais. Et ça, c'est ce qu'a indiqué une conseillère en sécurité financière, Anne-Marie Girard-Plouf, qui fait partie des assurances et rentes collectives au cabinet de services financiers Option Fortune. Et il n'est pas rare de détenir, en fait, ici même, au Québec, une assurance collective qui va défrayer les coûts d'examen diagnostique réalisés dans des cliniques privées ou qui vont encore rembourser vos médicaments d'ordonnance. Tu sais, la fameuse assurance santé que tout le monde connaît un petit peu, que vous avez avec la plupart du temps votre emploi. C'est un peu généraliste, là. C'est ça, exactement. Mais les formules VIP d'assurance santé vont beaucoup plus loin que ça. Donc, dans la plupart des cas, on va offrir l'accès à une seconde opinion pour l'obtention d'un diagnostic de la part du médecin. Par la suite, on va assurer un verdict qui va être beaucoup plus sûr, mais aussi, on va va s'assurer de clarifier la meilleure option de traitement avec cette fameuse assurance santé qui va être dite de luxe. Il y a de 6 mois à 15 jours de convalescence. Donc, c'est surtout lorsqu'un traitement ou encore une chirurgie va être nécessaire que ces assurances-là vont rentrer en ligne de compte avec ce que vous avez déjà comme assurance santé, par exemple. Elles vont couvrir les frais de traitement ou d'intervention chirurgicale et elles vont offrir un montant pour, par exemple, des frais de déplacement, des frais de séjour ou compris encore un frais des frais de déplacement en ambulance ou en avion si jamais on est, par exemple, en vacances ailleurs et on a cette assurance santé VIP-là. Mais les frais de déplacement vont être compris dans cette assurance. Ça coûte quelque chose pour prendre l'assurance, c'est ça? Exactement. Donc, on peut aussi défrayer prendre l'ambulance. Oui, clairement. On peut aussi défrayer les coûts d'un accompagnateur lorsque le malade ne peut pas voyager seul. Donc, c'est une option que l'assurance santé dite VIP va vous donner. C'est une possibilité en fait d'avoir recours à des soins privés aux États-Unis aussi qui peuvent permettre d'obtenir des traitements qui vont être beaucoup plus rapides que ceux qui seraient possibles d'avoir ici même au Québec et notamment dans des cas de chirurgie qui ne sont pas nécessairement jugés comme prioritaires ici. Eh bien, pour l'attente de plusieurs mois, si vous avez cette assurance santé VIP-là, aux États-Unis, on peut vous offrir la même chirurgie, mais beaucoup moins longue en termes de durée d'attente. Donc, c'est un petit peu ce que va offrir cette fameuse assurance de luxe-là. C'est plusieurs patients qui ont déjà essayé d'avoir cette assurance-là. C'est sûr que c'est un petit peu plus dispendieux. Ça doit, hein? Les déductibles, en fait, varient de 250 $ à 20 000 $ par personne. Wow. Et à titre indicatif, les primes peuvent passer de 353 $ par année pour un jeune homme entre 19 et 24 ans qui paye un déductible de 20 000 $ ou encore à 15 428 par année pour un homme de 70 ans avec une franchise limitée à 250 $. C'est ça, parce que tu veux payer moins cher par mois. Exact. Et tu veux aussi payer pas trop cher lorsque tu dois te servir de cette assurance-là. Sinon, ça finit par te coûter 20 000 $ et puis eux autres payent le reste. C'est ça. Pas d'allure. Donc, de 45 à 49 ans, un homme va payer en moyenne 880 $ par année avec une franchise de 10 000 $ et une femme, elle, va payer 951 $, ce qui s'ajoute généralement à des frais annuels d'environ 100 $. Ah, ben oui. Pourquoi pas ajouter ça? Ce sont des frais d'assurance santé, mais on le dit, c'est haut de gamme, c'est de luxe. Donc, oui. Automatiquement, ça va être beaucoup plus cher. Mmh. C'est ça. On peut étendre ce genre de couverture d'assurance-là à sa conjointe ou à ses enfants, par exemple, c'est quelque chose qui est possible. Pour un frais additionnel, j'imagine. Ben, ce qui représente enfin un avantage supplémentaire auprès de la compagnie d'assurance qui va vous l'offrir parce que vous allez être plusieurs dans cette combinaison-là. Donc, ça peut être bénéfique pour plusieurs si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, disons ça comme ça. On a eu une nouvelle quand même assez grosse dans les... j'ai quasiment le goût de le dire dans les dernières heures parce que c'est sorti cette nuit et un petit peu hier en après-midi. Il y a beaucoup d'informations qui sont sorties... De plus. C'est ça, un petit peu plus tard cette nuit. Mais il n'y a pas moins de 7 planètes de la taille de la Terre avec des températures modérées qui gravitent autour d'une étoile qui est située à moins, attention, de 40 années-lumière, qui ont été observées par une équipe internationale d'astrophysiciens un petit peu plus tôt cette semaine. Donc, au moins 3 d'entre elles présentent même des conditions qui sont très, très, très compatibles avec la présence d'eau liquide à leur surface. C'est ce qu'a affirmé les scientifiques dans un article qui avait été publié dans la revue Nature. Et c'est un système planétaire en orbite autour d'une étoile naine qui constitue l'une des plus intéressantes découvertes à ce jour. C'est quand même cool. Et l'étoile en question, elle est appelée TRAPPIST 1A. Et ça a environ la grosseur de la planète Jupiter et elle est située dans la constellation de Verseau. Donc, on le sait, il y a quelques années, on se demandait si Mars pouvait accueillir, par exemple, des gens sur sa planète et tout ça. Bien, la découverte de ces 7 nouvelles planètes-là, ça amène un petit peu la même question, mais là, pas sur Mars, vraiment sur ces 7 autres planètes-là. Donc, la découverte permet, en fait, d'espérer d'y retrouver les conditions qui vont être nécessaires à l'apparition de la vie sur ces planètes-là. Et avec ce Proxima B, qui a été découverte en août dernier, les planètes de cette constellation-là vont constituer les cibles les plus prometteuses à ce jour pour chercher à distance de possibles traces de vie hors du système solaire. Donc, c'est... C'est une étude, c'est une enquête aussi qui a été faite grâce, bien évidemment, à la NASA. Et ça va être lancé avec un télescope. Vous allez pouvoir voir, par exemple, sur la page Facebook de la NASA et tout ça, quelques enquêtes qui vont être faites ou quelques missions qui vont être faites sur ces planètes-là, parce que ça va être lancé l'année prochaine et il va être possible aussi de déterminer si on possède une atmosphère à définir ses propres priorités sur les 7 planètes qu'on vient de découvrir. Donc, l'année dernière, il y a des observations photométriques, c'est-à-dire qui ont été mesurées à la luminosité à haute précision, qui ont été réalisées par le télescope TRAPPIST et ont créé en partie par une équipe de l'Université en Belgique et le télescope spatial de la NASA. Et ça avait révélé tout ça, la présence de 3 planètes de taille terrestre, qui étaient justement TRAPPIST-1b, TRAPPIST-1... C et TRAPPIST-1D qui était autour de l'étoile, attention, TRAPPIST-1. Ah, donc, oui. C'est un système planétaire qui est orienté de telle sorte que les planètes qui passent devant le disque de l'étoile à chaque orbite, ce qui provoque en fait une baisse de luminosité appelée un transit, quasiment comme nous avec le soleil lorsque la nuit va tomber. Et l'amplitude des transits permet de déterminer aussi le rayon des planètes, tandis que leur périodicité, oui, indique la distance orbitale et donc l'insolation qu'on peut avoir sur ces planètes-là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour un système solaire qui va être sous la loupe, clairement, pour les prochaines années. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir aussi les missions qu'on va pouvoir y faire et quels résultats on va avoir par rapport à tout ça. Oui. Et les noms qu'on va leur donner, hein? Oui, oui, oui. Je suis les vrais noms. Je suis genre prof timide, atchoum, joyeux, simplet, dormeur, grécheux. Ben oui, clairement, pour les 7 nains. Oui! Ah, ça serait pas pire. Ça serait très bon. Si on fait ça, en tout cas, ça serait vraiment drôle. Ça me surprendrait. Ça me surprendrait, mais... On sait jamais. On sait jamais. Ils vont sûrement faire un concours pour que les gens décident les noms. On est rendu de même en 2017. Probablement. Oui. Il me reste 2 nouvelles rapides, Mathieu. Tesla se retrouve dans le rouge. Ah, oh non. Mais de façon quand même en bonne voie. On se rappelle, il y a quelques semaines, vous avez parlé de la modèle 3 qu'on voulait sortir du côté de Tesla. C'est un modèle qui va être un petit peu plus courant, un petit peu plus, je ne veux pas dire bas de gamme, là, parce que c'est quand même une Tesla, mais qui va être plus abordable, voilà. Et Tesla est repassé dans le rouge au 4e trimestre parce qu'on continue en fait de préparer le lancement de sa nouvelle voiture, le modèle 3. Et on vient de racheter le producteur d'électricité solaire SolarCity. Le constructeur américain de véhicules électriques avait dégagé le 2e bénéfice net de son histoire au 3e trimestre, qui était de 22 millions de dollars. Mais on a de nouveau accusé une perte nette de 121 millions de dollars sur les 3 derniers mois de l'année, ce qui est quand même beaucoup. Et sur l'ensemble de 2016, bien, la perte a été ramené à 675 millions de dollars contre 889 millions l'année précédente. Donc, on est dans le rouge, mais on est dans un meilleur rouge que l'année d'avant. Ouais. Donc, le chiffre d'affaires de son côté s'est avéré meilleur que prévu. Il s'est envolé de 88% contrairement à 73% sur l'ensemble de l'année, ce qui est quand même mieux, mais on est toujours dans le rouge, évidemment. Et le groupe, qui est dirigé par le milliardaire Elon Musk, assure dans son communiqué être toujours en bonne voie pour démarrer justement en juillet une production qui va être limitée pour la modèle 3, qui va être beaucoup moins coûteuse que ses actuels véhicules qui sont sur le marché présentement. Et c'est ainsi qu'on va être censé ouvrir le grand marché et le grand public à ce marché-là de voitures d'ici juillet. Donc on devrait pouvoir voir justement une augmentation de ces pertes-là du côté de Tesla qui vont faire en sorte qu'on va peut-être justement tomber dans le vert au lieu d'être dans le rouge, qui pourrait être pas noir, pire. Dans le noir, ouais, dans le noir. Non, non, Mathieu, non. Oui, oui. Donc, la production de la berline, qui va être milieu de gamme, on l'appelle comme ça, devrait ensuite accélérer graduellement et dépasser 5000 véhicules par semaine dans le courant du 4e trimestre. Puis, par la suite, on va y aller avec 10 000 véhicules au courant de 2018. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir aussi combien est-ce qu'elle va coûter. Et mais ça. Parce que milieu de gamme. T'sais, pour du Tesla, hein? Là, hein? On s'entend. On peut-tu comparer ça, mettons, à une Honda Civic de l'année? Non. J'aimerais ça. Et la dernière nouvelle dont je veux vous parler, eh bien, c'est une nouvelle mondiale, on va le dire. c'est pour les Jeux olympiques de 2024. En fait, c'est Budapest qui a retiré sa candidature pour les Jeux olympiques de 2024. C'est pas quelque chose qui arrive souvent de retirer sa candidature. Et la ville de Budapest a décidé de retirer tout ça ce matin. Pour nous, c'est cette nuit, en fait, la candidature pour les Jeux olympiques de 2024, alors qu'une pétition a été recueillie assez de signatures pour déclencher l'organisation d'un référendum contre la candidature hongroise. Et c'est ça qu'a annoncé l'agence de presse MTI. Donc, Budapest va officiellement demander au conseil municipal de retirer la candidature hongroise en accord avec le gouvernement. Et c'est ce qu'a déclaré le maire de Budapest. Et avec le retrait de Budapest, bien, Paris et Los Angeles restent les deux seules villes encore en lice pour organiser les Jeux olympiques de 2024. Et le comité olympique va donner le nom du vainqueur le 13 septembre. Donc, ça va être maintenant, grâce à ça, soit à Paris ou à Los Angeles. Wow! Ça va vite pareil. On est encore juste à 3 ans et quelques de Tokyo. C'est fou. Cool, merci Tania. Ça fait plaisir. Celle qui pense que quand on revient dans la bonne finance, on est dans le vert. Ouais, je sais. C'est dans le noir, Tania. Pour vrai? Ouais. Alors, dans le vert, dans le vert. Hey, Elon Musk, hein? Hein? Ouais, ouais, ouais, dans le vert. Dans le vert, dans le vert. Excuse-moi, t'as raison, je devrais pas, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Voyons. On prend une pause au retour. Une petite demi-heure environ consacrée à la GEQTR. On va parler plus tard avec Alex Marchand, mais après la pause, ce sera la directrice générale des élections, Sonia Couilly, qui est aussi chroniqueuse à l'émission. Donc, on lui parle juste après ceci, à Assemblage requis, reste. Assemblage requis en ce jeudi 23 février 2017. Elle est Tania Beautin. Et Mathieu Plante. Tant que le mois de février se termine, juste parce que j'ai de la misère, on dirait, à me rappeler qu'on est en février. J'ai tout le temps envie de dire janvier. C'est vrai. Je me demande si au mois de mars, je vais dire mars. Ouais, ouais. On verra. On verra. Bref. Attends. Oui, c'est ça. Mais tu vois, le mois de mars s'en vient et justement, le mois de mars et le mois d'avril vont entraîner plein de choses vraiment importantes dans le monde de l'AGE-QTR. Et pour parler des élections de l'AGE, Alassania Couilly, aussi chroniqueuse à l'émission, est avec nous. Salut! Bonjour! Ça va? Oui, ça va très bien. Et vous? Oui, hors de ton environnement, bus magique, science et médecine et corps humain. Donc, on est là pour parler des élections. Et là, en ce moment, ben, on est encore un petit peu tôt dans le processus. C'est la mise en candidature des postes. Oui, exactement. Nous sommes à la deuxième semaine de la mise en candidature des postes. Ça dure 3 semaines. Okay. Et dans le fond, c'est pendant cette période-là que tous les intéressés peuvent venir retirer les documents à l'AGEQTR. Faut les demander avant. Tu peux juste arriver et peindre des feuilles. Non, on arrive puis on prend les documents. Puis après, faut remplir les signatures. Il faut au minimum 60 signatures étudiantes. C'est juste pour prouver qu'il y a quand même une petite communauté étudiante qui est au courant que tu te présentes et pourquoi tu te présentes. Ou encore que vous êtes capable d'approcher les gens pour leur demander leur signature à la cafétéria. Au moins, tu es un contact avec les gens. Exactement, exactement. Les gens reconnaissent ta face aussi parce que plus tard, il va y avoir un vote. On y viendra. Oui, mais exactement. Parce que oui, si tu n'es pas capable d'aller, comme tu as dit, aborder les gens et puis demander des signatures, fait que c'est ça. Il faut leur code permanent aussi. Là. C'est des vrais. Oui, il n'y a pas de personnes mortes ou d'immigrants illégaux où Trump ne viendra pas dire hey, là, ces votes-là sont illégaux. Non. Ça, je vous garantis ce point-là parce que c'est moi et mon comité qui vont vérifier, qui allons vérifier par la suite toutes les signatures pour voir est-ce qu'il n'y a pas une signature qui a été faite comme mettons 10 fois juste pour atteindre le nombre. Ah, ouais. Puis vérifier que tout le monde est bel et bien étudiant et étudiant et membre de la GEQTR. Oui, qui ont payé leurs frais. Exactement. Donc, les employés de l'UQTR ne peuvent pas signer? Non, absolument pas. Bonne question, ça. Vous êtes beaucoup sur le comité électoral? Nous sommes 4. 4, quand même. Quels postes sont ouverts, en fait? Tous les postes sont ouverts, mais quels postes est-ce qu'il y a de disponibles sur la liste pour se présenter en ce moment? Tous les postes sont ouverts, c'est-à-dire la présidence, la vice-présidence de communication, secrétariat général, vice-présidence aux affaires académiques du premier cycle, vice-présidence des affaires académiques cycle supérieur, vice-présidence développement et finances, vice-présidence de la vie associative, vice-présidence sociopolitique et vice-présidence socioculturelle. Tu vois, je me demandais si elle les savait par cœur, mais elle les sait par cœur, elle n'a pas regardé cette décision. C'est vraiment mieux que moi. C'est ça. Bref, tous ces gens-là ont des postes là, quand même assez complexes. Il y a beaucoup de tâches à avoir. Ils sont affichés sur les publicités, les affiches sur les babillards, si vous voulez en savoir plus. Il y a aussi sur le site de l'AGE, agefta.org. Donc, disons, bon, c'est ça, les gens ont trouvé leur signature, ils viennent remplir le formulaire. Comment est-ce que ça va se dérouler le reste du processus si jamais ils embarquent là-dedans? Tout d'abord, nous allons vérifier les candidatures pour voir, comme j'avais dit, que tout le monde est bel et bien étudiant et membre de la GUQTR. Par la suite, les candidatures retenues, nous allons les convoquer pour une rencontre afin de leur expliquer justement qu'est-ce que ça prend et puis... Individuellement? Les rencontrer tous en même temps pour expliquer la suite du processus puis quelles sont les exigences. Parce que on s'entend, ils vont devoir faire campagne électorale. Qu'est-ce qu'il faut respecter dans la campagne électorale? Quand il faut la commencer? Parce que ils peuvent là, ils remplissent leurs documents, mais ils n'ont pas le droit d'être en campagne encore. Ouais, il y a des gens qui se sont fait justement réprimander ou même retirer la possibilité d'être dans la course parce qu'ils avaient commencé à afficher avant. Je crois que c'était 8h le matin un certain jour. Oui, exactement. Fait que ils ont une date d'affichage qui va être entre le 20 mars et le 22 mars, 17h. Okay. Fait que s'ils affichent avant ça, ils sont disqualifiés. Mm-hmm. S'ils n'affichent pas après le 22 mars, 17h, ils sont disqualifiés. Fait que c'est, dans le fond, la rencontre est pour expliquer toutes les modalités puis le côté technique de la chose. Donc, ceux qui se font disqualifier sont au courant des règles. On peut oui, pas dire exactement, qu'ils ne savaient pas. Exactement. Je me rappelle, dans les années passées, et là, bon, on n'est pas obligé de revenir sur le passé trop longtemps, mais je me rappelle qu'il y a eu d'autres raisons de disqualification. Ça peut être qu'ils n'ont pas suivi d'autres sortes de règles, qui n'étaient pas admissibles à participer à la course non plus. Donc, il y a plein de raisons qui peuvent avoir lieu. Et l'année passée, il avait fallu annuler et recommencer l'année le processus. Passée? Ou il y a 2 ans? Non, je pense qu'il y a plus que 2 ans. Parce que les 2 dernières années, ce qui s'était passé, l'année dernière, il n'y avait pas assez de candidatures. Parce que pour aller au débat électoral et au vote, il faut au moins une candidature par poste. Okay. Puis l'année dernière, il y avait certains postes qui étaient encore vacants après les 3 semaines d'ouverture de candidature. Fait que ils avaient décidé de rallonger. L'année d'avant, c'était la même chose qui s'était produite. Il n'y avait pas assez de candidatures pour la vice-présidence socio-politique, je me rappelle, et la présidence. Donc, ils ont fait comme un deuxième round d'élection. Mais il n'y avait personne qui a été disqualifié les 2 dernières années. Oui, d'accord. C'était avant ça. Il y a aussi, je sais qu'il y a des postes où les gens affrontent la chaise. Donc, ça se peut qu'il y ait juste une personne sur certains postes, mais il y a des postes où les gens vont s'affronter. Les gens vont pouvoir se renseigner sur leur portail étudiant pour savoir comment bien voter. Oui. Donc, le processus va continuer. Après que les mises en candidature se fassent, il va y avoir la campagne. Après la campagne, il va y avoir quoi? Après la campagne, il va y avoir le débat électoral. Oui. Donc, les gens sont vraiment invités. On ne peut pas plus insister sur ça. Il faut vraiment venir pour rencontrer vos candidats, leur poser vos questions, voir la personne qui vous semble la plus appropriée à défendre vos intérêts, parce qu'on s'entend, les officiers sont là pour défendre les intérêts des étudiants. Puis, après le débat électoral qui va avoir lieu le 27 mars à 15h, j'insiste, 27 mars à 15h, le vote sera ouvert à partir de 23h45. Okay. Puis il se déroulera jusqu'au 30 mars, c'est-à-dire jusqu'au jeudi de la semaine, le 30 mars jusqu'à 23h45. Mmh. Puis le vendredi à midi, nous annoncerons les résultats. Oui, ça c'est toujours d'habitude à la chasse-galerie. Donc vous allez passer la nuit à compter les votes. Ouais. Heureusement, c'est pas nous qui faisons ça. C'est pas la GE ou le comité électoral qui s'occupe des votes. C'est vraiment indépendant. C'est l'université qui crée le questionnaire. C'est l'université qui s'occupe du processus. Wow. Puis nous, on nous le dit le matin, on nous dit les résultats. Vraiment pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, parce que ça arrive que des officiers qui sont... qui finissent leur mandat. Ils sont déjà dans la GE. Ils sont déjà dans la GE, puis ça leur tente de faire un deuxième mandat. Donc, juste pour être sûr que c'est un terrain neutre qui fait, le scrutin, si on veut dire. Fait que c'est l'université qui le fait, et puis c'est elle qui nous contacte pour nous dire, pour nous donner les résultats. Ouais. Et là, on a dit tantôt, tous les postes sont ouverts. C'est pas parce que tout le monde quitte, là, même s'il y a beaucoup de gens qui quittent à la GE, c'est pas ça. Tous les postes ouvrent à chaque année. Ouais. Donc, vous allez peut-être avoir un tout nouveau conseil exécutif, ou sinon, peut-être que certains vont se représenter et vont gagner votre vote parce que vous connaissez déjà leur nom. Oui, ça se pourrait. Ça pourrait arriver. Il y a aussi des gens qui vont des fois gagner les élections, être annoncés le vendredi, et on les verra jamais à la GE, ou vont changer d'idée dans le cours de route. Ça arrive. Oui, ça arrive. Parce que le processus est quand même long entre le dévoilement des gagnants et le début de l'automne. Il y a entre les deux plein de choses qu'on se rend moins compte. Là. Donc, dans quel ordre est-ce que ça se passe, le camp et tout ça? Là? C'est la période entre l'annonce des résultats et le début de session d'automne. Okay. Ben, le début de session de l'automne, c'est vraiment une période cruciale. Mmh. C'est, le mandat, il commence, si je ne me trompe pas, en mai. Ouais. Donc, fin avril, il y a le camp de passation, les officiers en mandat, ils passent les directives aux nouveaux officiers. Puis, c'est cette période-là, entre mai et septembre, qui est cruciale parce que c'est là qu'on prépare la rentrée, c'est là que les officiers doivent préparer leur plan d'action et faire adopter leur plan d'action. C'est là qu'on prépare toutes les activités, ben, la majorité des activités qui vont avoir lieu à l'automne pour réserver les locaux, pour confirmer les invitations, etc. Donc, c'est vraiment une période très, très, très cruciale que le reste des étudiants ne se rend pas compte qu'on se dit « non, ils sont en vacances ». Non, ils ne sont pas en vacances parce que c'est une période où on devrait mettre les assises pour l'année universitaire à venir. Il y a beaucoup d'activités qui continuent à l'UQTR. Là, il y a l'école de français, la chasse-galerie continue, il y a des partos 10-12, il y a plein de choses. Donc, oui. Faut en plus jongler avec tout ça pendant la période estivale. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, mais il faut le rappeler, les gens qui siègent sur l'AGE, c'est un travail, là, c'est rémunéré. Exactement. C'est rémunéré parce que d'expérience, c'est impossible d'être officier à l'AGE, d'être aux études, puis de travailler. À temps plein. Ouais, c'est ça. Oui. Tout ça à temps plein. Parce que l'AGE, même si on dit que c'est juste entre 10 et 15 heures semaine, ça prend plus que ça. C'est comme un travail à temps plein. C'est très demandant, surtout lorsqu'on est nouveau officier. Là, il faut s'habituer avec le climat. Mm-hmm. Il faut emboîter le pas aux anciens. Donc, ça prend beaucoup, beaucoup d'acclimatisation, beaucoup d'adaptation. Donc, c'est beaucoup plus que 10 heures par semaine si on veut correctement faire son travail. Rajouter à ça, être étudiant, par exemple, à temps plein. Moi, j'étais étudiante à temps plein. J'avais 5 cours plus mon mandat à l'AGE. Mmh. Puis, j'avais des semaines de 60 heures entre ouais. mon travail à l'AGE et mes cours. Donc, c'est pour ça qu'on donne une bourse d'implication qui est 11 000 et quelques par année. Fait que ça revient à l'équivalent de 953 par mois. C'est quand même pas pire, mm-hmm. parce que si on est sous les prêts et bourses, puis ça diminue pas parce que la bourse n'est pas perçue comme un salaire, mais c'est perçu comme une bourse d'implication. Ouais, exactement. Ils ne peuvent pas te forcer à travailler en tant que père. C'est ça. Fait que ça permet quand même, économiquement, ça permet de bien vivre. Mm-hmm. Puis pas juste de faire l'épicerie, mais ça permet de bien vivre. C'est ça, les gens passent devant vos portes et voient que vous avez une permanence le mardi entre, je sais pas, 10h et 13h. Ouais, mais ça, c'est le bout. Vous êtes au bureau pour répondre aux gens, mais vous êtes là pareil le reste du temps. Puis on le voit, là, je passe ici en soirée ou des fois la fin de semaine, puis il y a tout le temps des gens de la GIE qui sont là. Exactement. La permanence, c'est, dans le fond, chaque officier est obligé, selon la politique ouais. d'implication des officiers, il faut passer un minimum de 3 heures au bureau par jour. Ouais. Sauf que l'officier est libre de faire son emploi du temps comme il veut. Mais une fois par semaine, il doit avoir une permanence. Mettons, une fois par semaine, ça doit être fixe. Dans la semaine. Oui, oui. Tout au long de... Tous les, comme on disait, mardi à 10h, c'est ça, là, mettons. Tous les mardis ouais. à 10h qu'il faut être là pour répondre aux questions des gens ou pour... mettons, s'il y a des gens qui sont venus au bureau puis que toi, tu n'étais pas au bureau pendant la semaine, parce que ton emploi du temps est flexible, fait qu'au moins, ils savent qu'ils ont 1-3 heures par semaine, que c'est sûr à 100% qu'ils vont te retrouver dans ton bureau. Ouais. Pour ceux qui se demandent où sont les bureaux de l'AGE, c'est juste après les portes où c'était écrit ne pas ouvrir parce que c'est pour cas d'urgence seulement. C'est ces ouais. portes-là, à côté du 10-12. On a fini par enlever le talent. donc, la porte est souvent ouverte et après ça, il y a un corridor. Il y a plusieurs corridors, en fait, qui s'embranchent ouais. et tout le monde est là. Habituellement, un ou deux par bureau. Oui, un ou deux par bureau. Assez facile. Il y a des petites ouais. pancartes, des petites affiches ouais. pour vous dire qui est dans quel bureau. Votre prochain futur bureau, peut-être, vous qui allez vous présenter aux élections de l'AGE. On rappelle les dates pour les inscriptions, pour les postes. C'est nous sommes à la deuxième semaine, fait que c'est ouvert jusqu'à la semaine prochaine. Je cherche la date. Jusqu'à vendredi prochain, 17h. Vendredi 3 mars à 17h. Et encore une fois, on va au bureau de l'AGE qu'on vient juste de mentionner. On oui. prend des formulaires, on remplit nos 60 signatures, pas soi-même. c'est ça. Il faut amener le formulaire en personne sur place? Oui, il faut ramener le formulaire au même bureau où on a retiré le formulaire. Est-ce que c'est le bureau... Le 10-22. 10-22, c'est ton bureau dans le fond présentement ou tu gardes ton bureau de... Non, j'ai pas de bureau présentement à l'AGE. Pas de bureau du tout? Pas de bureau du tout. Pas de salle de conférence? Oh non. On va suivre ça, on va te réinviter à travers le processus. J'imagine qu'il va y avoir d'autres petites entrevues de ce genre-là d'ici la fin du processus. Seigneur Couilly, on va te retrouver aussi, bien sûr, à ta chronique les lundis matins. Toujours. Aux deux semaines. Merci à la Seigneur. Ça me fait plaisir, c'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Merci également. On écoute une petite pièce avant de passer au reste de la GEQTR. Enfin, on va parler avec Alex. Oui, Marchand. Alex Marchand. Chaque fois, c'est difficile. Donc, Alex Marchand au retour, mais avant ça, voici Rex Marchand, non Rex. C'est pas bien. On l'appelle comme ça, Rex Marchand, ça va? Ah, on pourrait l'essayer. Vous êtes Assemblage Requis jusqu'à 9h30. Marchand ou non, plutôt pas Pierre. Oui, Assemblage Requis. Tantôt, on a parlé d'Alessia Couilly. On avait dit que sa chronique était tout le temps les lundis à 8h aux deux semaines. Pour la prochaine chronique, le 28 février, elle va être avec nous là, un mardi à 8h à la place, parce qu'elle va être en vacances au Maroc pendant la semaine de relâche. Donc, c'est dit pour Alessia Couilly, 28 février à 8h du matin. Maintenant, on a reçu Alex Marchand dans nos bureaux un petit peu plus tôt cette semaine pour parler des activités de la GE. Lui, qui ne pouvait pas être en direct avec nous ce matin, donc nous voici en direct du passé. Ah, je quitterai AGEQTRE, AGEQTA, peu importe ton âge, tu t'en vas à l'AGEQTA parce que l'AGEQTA, ça n'a pas d'âge. Yo! Pro, pro! Alex Marchand, président de l'AGEQTR. Bonjour à toi. Allô. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Puis vous autres? Oui, as-tu vu Tania dans le coin? Oui. Allô. Donc, on est là pour parler, de ce qui s'est passé à l'AGEQTR depuis la semaine dernière. Ben oui, il s'est passé plein de belles affaires. Et j'imagine qu'il va s'en passer d'autres dans le futur. Ah, ben c'est sûr. Une chose à la fois. Ben oui. On commence avec une autre? Ben oui, pourquoi pas. On se vit d'abord, on se parle-tu dans le dos l'un de l'autre? Ben, ça ressemble pas mal à ça présentement, je t'avouerais. Donc, Alex Marchand, commençons par les avant, pourquoi pas, le congrès des jeunes péquistes qui a eu lieu. Oui, c'est passé en fin de semaine dernière où on est allé visiter le péquiste. Et, c'était le péquiste. Oui, le péquiste. Oui, exactement, c'était juste une petite métaphore. Pour Pâques, l'œuf de péquiste. Ah oui, exactement, même chose, même combat. Donc, on est allé visiter les jeunes péquistes à un hôtel à Victoriaville où ils se réunissaient en congrès, entre autres pour voter des positions qui vont tomber au congrès du Parti québécois éventuellement. Donc, on est allé surtout voir pour représenter les intérêts des étudiants, faire un réseau de contact un peu pour la GEQTR pour le futur, puis permettre justement de mieux représenter les intérêts sociopolitiques des étudiants. OK. Fait que position, c'est pas genre vous avez pris un hôtel, des prostituées, tout ça? Non, c'est des pas. Positions différentes? Non, mais étant donné que c'était à Victoriaville même, on est allé en auto aller-retour. On s'est dit que ça serait une meilleure utilisation des cotisations des étudiants. Exactement. Que tu sais, d'un hôtel, on était un peu plus malaisé. Mais bon, tout ça pour dire qu'il y a eu des débats assez houleux, je dirais un jeu de corridor assez incroyable. De corridor. Oui. C'est la première fois que j'entends cette expression-là. Ah, en politique, jeu de je l'entendais constamment. Okay. Ça, c'est que, en fait, c'est pas durant l'instance que les trucs se décident généralement en politique, c'est en dehors de l'instance, c'est dans le corridor. Mm-hmm. C'est comme une espèce de job qu'on appelle de pointage ou de whipping, un peu pour essayer de convaincre certaines personnes puis d'aller chercher le maximum de votes pour en arriver sur le vote d'une motion. Mm-hmm. Les deux enjeux principaux en fin de semaine ont été la loi 101 dans l'ensemble du réseau collégial et ça a été aussi la charte des valeurs québécoises qui est revenue sur la table. Okay. Les deux propositions ont été battues. Donc, j'ai pu comprendre que justement, il y avait certaines personnes qui sont assez influentes qui ont décidé de prendre parti puis de faire en sorte que ça aille vers le compte parce que c'était pas la volonté du parti d'aller dans cette direction-là. Donc, quand même, ça a été intéressant à voir quand même comme machine se mettre à l'œuvre puis un peu voir comment ça se passait. Là. Nous autres, on était dans l'observatoire avec les autres associations étudiantes. On avait bien du plaisir à regarder cette machine-là se déployer, je te dirais. Là. Si je me souviens bien, la semaine dernière, tu me disais aussi que vous allez faire la même chose dans chaque partie. C'est pas juste pour les péquistes. Exactement. On est allé voir les caquistes l'automne dernier, puis l'été dernier, on est allé voir les jeunes libéraux. Je dirais que c'est assez différent en même temps que ça se ressemble. On dirait qu'il y a comme des cultures un peu politiques alentour de chaque partie qui est un peu différent. C'est vraiment quelque chose d'intéressant à voir. Si vous avez l'occasion de faire éventuellement, de faire toutes les parties. Mm-hmm. Bien sûr, il faut vous intéresser à la politique, mais c'est un exercice qui est vraiment intéressant pour se faire une tête un peu, puis en savoir un peu plus sur la politique. Puis en même temps, ça vous permet de rencontrer aussi des politiciens, puis d'en connaître un peu plus sur qu'est-ce qu'est la vie politique au Québec. Ouais. On encourage tout le monde à toucher les parties. Oui. Oh mon Dieu! C'est sûr qu'il allait faire un gag demain. N'oubliez pas que sans oui, c'est non. Parce que d'ailleurs, on va en parler parce que hier, justement, on est allé voir les consultations de la ministre à Sherbrooke sur les violences sexuelles. Oui. Exactement. Donc, sans oui, c'est non, encore une fois, a été abordé. Il y a aussi une autre campagne qui existe qui s'appelle Ni viande, ni objet, qui ont des affiches assez frappantes avec un message super précis. Puis on a commencé à faire des démarches en partenariat avec le groupe Action Femmes de l'UQTR, avec qui on était là-bas hier. Julie du Rocher, entre autres. Oui, exactement, c'est elle qui était présente. Ouais. Il y avait aussi Anthony Morin de l'Association des étudiants de sexologie qui était animateur présent. Animateur assez fou, chroniqueur sur le campus. Oui. Exactement. Donc, oui, hey, ça, c'était vraiment synchro. Wow! Et tout ça pour dire que, justement, on a assisté puis on était intervenu aux oreilles de la ministre, justement, par rapport à qu'est-ce qu'était la volonté de l'UQTR puis des étudiants de l'UQTR par rapport aux violences sexuelles, à une loi cadre, à un bureau, probablement, sur les violences sexuelles pour permettre aux étudiants de dénoncer, mais qu'il y ait un processus qui soit plus clair. Donc, on est allé représenter hier aux oreilles de la ministre de l'Enseignement supérieur les intérêts des étudiants de l'UQTR. Oui, parce qu'on se rappelle que j'imagine que sur le campus, avec les professeurs, les attachés, comment t'appelles ça, les chargés de cours, il y a peut-être des allégations quelque part qui ont eu lieu. Dans les actualités, on a, il me semble, vu passer ça dans les. Ça peut exister, entre autres, au cycle supérieur. Il y a peut-être des histoires, j'en ai pas entendu à l'UQTR, mais je sais que c'est quelque chose qui existe parce que le sujet a été abordé, puis j'en ai entendu parler. La relation entre le professeur et l'étudiant de cycle supérieur, la relation de pouvoir. L'étudiant étranger, qui est comme vraiment des situations de pouvoir qui sont un peu. permettent des fois des agressions sexuelles. Puis justement, c'est des trucs qu'on veut éviter. Puis on veut qu'il y ait une espèce de loi cadre qui permet justement de sévir dans ce genre de cas-là, puis de mettre aussi une espèce de setup où que ça peut pas se produire, ce genre d'incident-là. Donc ensuite, on passe au après? Oui, exactement. On devrait avoir dans les prochains jours UQTR en spectacle. Oui, en fait, c'est ce soir, exactement. Oui. C'était hier. Ben oui, c'est vrai. Mm-hmm. Ah, c'est vrai, ben oui, Colin, mais c'est un beau spectacle. OK. C'est la première fois qu'on enregistre une chronique à l'avance avec toi, Alex Marchand, donc il faut s'adapter un petit peu. Mais oui, hier, c'était, j'imagine, super bon. Oh, effectivement. Ouais, je vais être en mesure de vous en quoi? En fait, je vais vous le dire la semaine prochaine. Bon, on en reparlera. Oui, exactement. Donc, mais bref, c'était un bel événement. Cool. Wow, ça valait vraiment la peine d'en parler. Oui. La prochaine aussi est ce soir, Mathieu, ah oui. Comme tu saurais faire. François, que c'est le plus beau fuck-up de notre courte histoire. Écoute, quand on fait un live avec pas du live, c'est ça que ça donne. On peut faire du montage avec tout ça, mais c'est plus drôle de le laisser. Fait qu'on va le laisser là. François Legault, qu'est-ce que tu penses avec ça? Oui, exactement, ça se passe ce soir. Là, c'est pour vrai. Ce soir, jeudi, là. Oui, exactement. Okay, cool. Donc, c'est François Legault qui va venir faire une conférence sur l'entrepreneuriat. Donc, nous, on va essayer de le pogner dans un coin comme il dit. Parce que ça ou sinon? Oui, exactement. Exactement. Donc, lui, on ne lui touchera pas les parties. Est-ce que j'ai vraiment dit ça? Excellent. Donc, tout ça pour dire. C'est le président de la GIA, en passant. OK, mais attends, t'as pas encore expliqué pourquoi est-ce que tu voulais le pogner dans un coin. Oui, mais c'est parce qu'on a des positions sociopolitiques, puis on rencontre souvent des politiciens, justement, pour faire valoir les intérêts du QTR. Puis un chef de parti de l'opposition, c'est quand même une bonne opportunité de faire comprendre c'est quoi le point de vue du QTR sur plusieurs sujets. Donc, entre autres, si vous voulez entendre parler d'entrepreneuriat de votre côté, vous pouvez venir le voir à 19h ce soir à la Trium, c'est ça, exactement. À la Trium. Oui, la Trium. La Trium. Est-ce que vous allez être une gang à le pogner dans le coin ou tu vas faire ça comme travail individuel en tant que président? Ben ça se peut qu'on soit deux peut-être. Okay. Parce qu'en même temps, il y a comme une job d'attaché politique. Exactement. C'est une job quand même assez complexe parce que les politiciens ont souvent beaucoup de gens autour d'eux. Mm-hmm. Fait que tu sais, faut des fois faire une espèce de split puis être capable, tu sais, pour être capable de jaser. Fait qu'on va regarder comment qu'on fait ça, mais c'est de la stratégie beaucoup, je vous dirais. Peut-être quelqu'un qui fait juste regarder aussi. Oui. Effectivement. C'est vrai. Mathieu, arrête les gags dans ce style-là. Excuse-moi, je suis capable de me contrôler. Ah oui, c'est non et il n'a pas dit oui. Mais une chance, l'été s'en vient. Oui. Oui. N'est-ce pas? Donc, ça va être encore plus propice. C'est ça. Ça ressemble à ça. Inscription au cours d'été. Ben oui, c'est juste un rappel pour les étudiants parce que j'ai fait une petite recherche parce que je voulais m'inscrire à des cours d'été pour l'été prochain. Mm-hmm. Puis j'ai vu que c'est samedi que les inscriptions ouvrent. Donc si vous ne vous en rappeliez pas ou que vous le saviez pas, ben faites-le. Oui. Connectez-vous samedi sur le portail étudiant pour aller faire vos inscriptions au cours si vous voulez avoir les meilleures places ou si vous voulez être sûr d'avoir une place dans votre cours. Ouais. Ce qui est fun, c'est que les panneaux publicitaires dans la ville de Trois-Rivières, à la place d'annoncer ça, ils annoncent les portes ouvertes du 28 janvier. Oui, hey, c'est, oui vrai, c'est vrai. Ah, ça, c'est du timing à l'état pur. C'est incroyable. Cool. Bref. Hein? Ouais. Et puis, je pense qu'aussi, sinon, la dernière nouvelle qu'il y avait, c'était que tu viens de remplir le guichet automatique. Ben oui, exactement. Donc, vous allez pouvoir retirer si vous voulez aller prendre un café à la chaise galerie ou si vous voulez aller manger parce que maintenant, il est rempli. Donc, il fonctionne très bien. On tient à dire aussi qu'il bug pas mal moins souvent que l'ancien. Oui. Donc, on vous remercie du changement de On remercie d'OTM. Justin Barrette pour son initiative, pour l'ancien VP Finance. C'est une nouvelle compagnie de distributrice. Oui. Ben, en fait, on fait affaire avec Flash Network, je pense. C'est une compagnie du Nouveau-Brunswick. D'ailleurs, je salue le représentant dont j'ai complètement oublié le nom. Mais, Flash McQueen. Oui, exactement. Flash McQueen. Flash McQueen. Qu'on appelle. C'est une auto, il livre lui-même. Ses grands yeux, Wiper. Avec ses grands yeux, exactement. Wow. Donc, je pense qu'on a fait le tour de ce qui se passe à la GQTR. J'ai une question pour toi, sinon, Mathieu. Oui, après toi, dans Cars, s'ils boivent trop d'essence, est-ce qu'ils sont sous? Je sais pas. Et c'est une très bonne question. Est-ce qu'ils peuvent tanker avec du Jack Fire? Mais sinon, je me demande s'ils prennent du kérosène, par exemple, c'était quoi d'un peu plus fort? Est-ce que ça les buzz? En tout cas, bref, vraiment, j'ai un questionnement éthique par rapport à ça, puis en même temps, un questionnement un peu logique. Fait qu'on va appeler Disney, on vous revient. Puis quand ils vont faire pipi, c'est un changement de ville, j'imagine. Ah, ben oui, ça doit. Ah, probablement. Il y a plein de trucs qu'ils n'ont pas abordé, je trouve, dans ce. Ça manque, hein? Mais tu peux pas aborder ce genre de sujet-là quand c'est un film enfants. Qui était moins adulte. Non, je vais faire une version adulte, Tania. Oh! C'est ça. OK, on va faire. Est-ce que tu as vu le film de. C'est quoi, c'est Sausage Party? Ah, mon Party de saucisse, c'est Rogan. ouais, avec Seth Rogen. Je l'ai pas encore vu, mais apparemment que c'est un chef-d'œuvre de l'adaptation adulte des dessins animés. Oui, je pense que oui. Puis je vais y aller d'une phrase assez courte, orgie de bouffe. Vous comprendrez. Ouais, c'est clair. On va se renseigner là-dessus. D'ici la prochaine chronique, on te retrouve la semaine prochaine, toujours les jeudis à 8h. Oui. Alex Marchand, président de la GQTR, merci. Merci à vous. Bye bye. Bye bye. Alex Marchand, avec qui on a parlé plus tôt dans nos bureaux très, très éco. C'est à peine, c'est pas un gymnase, ce studio-là, ça n'a aucun sens. Mais bon, donc on va le retrouver en direct toutes les semaines, les jeudis matin à 8h habituellement. Là, on l'a joué un petit peu plus tard, mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça. Au retour de la pause, ce sera une grosse pointe en dresse. Jean-Philippe Charbonneau, notre directeur général, s'en vient pour nous faire tester quelque chose dans son micro-ondes. Et littéralement, il va vraiment amener son micro-ondes. Ah, pas vrai? Encore? Je te jure. Tu lui as demandé? Il me l'a dit. Oh my God! Au retour de la pause, assemblage requis, restez avec. Assemblage requis avec Tania Baudin et Mathieu Plante. Dans quelques minutes, en fait, on devrait avoir notre directeur général de la station C'est fou 89.1 FM avec nous en studio et son micro-ondes. Et son micro-ondes, oui. Pour une grosse pointe à l'adresse. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous amener cette semaine. C'est quand on a fait installer le studio, on n'a pas été assez précis. On a dit de mettre des micros. Fait que le gars, il pensait qu'il fallait installer un micro-ondes dans le micro. Ouais, c'est dans ça, exactement. C'est... Ça arrive, là, des erreurs de même en construction. Écoute, hein. Les mots, c'est important, les mots. Je m'allais avoir un jugement envers les gens de la construction, mais non! Oh! Faut pas faire ça. Non, exactement, c'est ce que je me suis dit. On a eu une conversation là-dessus hier sur le fait qu'il fallait pas juger les gens, mais qu'en même temps, c'était tellement le fun. sur ce qu'ils peuvent contrôler. Exactement. Évidemment. On parlera pas de Jérémy Gabriel ici. Hein, oh my God, est-ce que t'as vu? Non. Ça tente pas d'aller... On écoute Tegan and Sarah. Tu veux-tu aller au Rockfest avec moi pour arrête, le voir? Chut, voici U-Turn. Assemblage requis. Va pas aller dans le micro, on l'attache. OK. Right, but you got me on the line. Told me that you think it's Patrick et Sarah, je les aime d'un amour non réciproque. Incroyable. Réciproque. Non, mais là, la pièce s'appelle U-Turn. Maintenant, Colin, qu'on est rendu. On est rendu, Mathieu. Je te le dis, on est rendu. On a parlé de micro-ondes tantôt. Le micro-ondes s'en vient plus tard. OK? Mais ben, regarde, on commence avec une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse, c'est la chronique dans laquelle on goûte un produit du tiroir. Mais ça, on va faire ça en deuxième partie de chronique. Et la première partie sera consacrée aux nouvelles de fast-food cette semaine. Ouh! Commençons avec les McFlurry chez McDonald's. Est-ce que t'es déjà allé chez McDonald's? Premièrement, oui. Oui. Est-ce que t'as déjà mangé McFlurry? Oui. Oui. Est-ce que la machine fonctionne toujours? Est-ce que ça t'est déjà arrivé que la machine ne fonctionnait pas? Non. Apparemment que ça arrive très, très souvent. Ah ouais? Ouais. Il y a plusieurs gens sur Twitter qui se plaignent que les équipements ont l'air d'être toujours non fonctionnels. C'est le Wall Street Journal qui a fait une enquête dans ce scandale. McDonald's ne voulait pas vraiment donner de réponse, mais le problème a l'air d'être une question de propreté. La politique de la compagnie dit que chaque machine doit vivre un processus de 4 heures de nettoyage pour tuer les bactéries. Il faut désassembler la machine au complet, ce qui fait que la machine ne peut pas fonctionner pendant les heures de moins grande achalandage, disons. Okay. Donc, ils font ça des heures un petit peu moins. Ils font pas ça sur les heures de dîner ou rien. Et pour compliquer ça encore plus, les machines ont tendance à mal fonctionner d'elles-mêmes. Selon Julie Jargon du Journal, un sondage en 2000 par un consultant de franchise nous apprenait que 25 des 100 restaurants sondés disaient que leur unité, à ce moment-là, de l'étude, ne fonctionnait pas. Ah, oh, ouais. 25 sur 100. C'est le quart. Hein? Étrange. Tout ça, évidemment, nuit un petit peu au profit de McDonald's sur les desserts. On estime que leur profit est de 255 millions par année. Les franchisés en France et en Espagne n'ont pas l'air d'avoir le même problème. J'imagine que si on l'a pas vécu au Québec, je sais que tu vas moins souvent chez McDonald's que bien d'autres gens. Je sais pas si on l'a autant, ce problème-là, ça en parle pas dans l'article. Mais bon, bref, les McFlurry, ça fonctionne pas toujours. Que voulez-vous? Ensuite, une machine à 18 000 $ qui vous promet la meilleure tasse de café que vous avez jamais bu. Hein, si vous buvez beaucoup d'espresso, nous, on, ouais. Depuis quelques jours, on dirait qu'on est comme stické sur les espresso ou les allongés. Ouais, moi, je suis d'aplomb dedans, là. Toi, t'es espresso, moi, je suis allongé. Ouais. I'm a little bit country, I'm a little bit rock'n'roll. Bref, vous pouvez peut-être prendre vos macchiato, caramel, vanille, peu importe. Maintenant, il y a la Royal Coffee Maker. Okay. Selon Elle Decor, qui pourrait ne pas être pour vous, en fait, parce que c'est une machine de précision à 18 000 $ faite à la main par le sculpteur Jean-Luc Rutter, qui est inspiré d'une machine à café à siphon utilisée par les rois du 19e siècle. Ça transforme donc votre café en une cérémonie. Hein? Les grains sont placés dans une carafe Baccarat et l'eau bouille dans un chaudron de 24 carats. Parfait pour avoir donc le café le meilleur au monde. Allez voir la petite vidéo de démonstration Royal Coffee Maker si ça vous intéresse. Ensuite, un restaurant qui est à l'intérieur encastré, je pense un peu comme un frigidaire ou un lave-vaisselle, encastré dans les montagnes de l'Italie. Hey boy, OK. Ah oui, c'est vraiment beau. Donc, les Alpes italiennes, les montagnes Dolomites, qui ont été reconnues par l'UNESCO comme un site important en 2009. Et donc, après une longue journée de ski, peut-être, vous pourriez aller au Oberholz Mountain Hut. C'est un restaurant. Selon Design, la bâtisse est à l'intérieur de la montagne qui fait 6500 pieds de haut. Peter Pickler Architecture a créé ça en collaboration avec l'architecte Pavol Mikolajak. Ils ont donc créé tout ça pour faire comme si c'était une extension de la montagne. Chaque façade de vitre est dirigée vers une des trois montagnes majeures dans le coin. Donc, vous pouvez manger un repas chaud à l'intérieur et ensuite partir faire du ski sur les montagnes qui sont connectées au restaurant. C'est magnifique. C'est beau, beau, beau, beau, beau. C'est incroyable. Alors, dire quasiment à l'intérieur du Nouveau-Calédonien Tire. C'est incroyable. Pareil. Ensuite, continuons avec quelque chose d'autre d'encastré. C'est un restaurant qui est situé à l'intérieur d'une piscine intérieure. Hein? Attends un peu. Donc, si vous cherchez un restaurant qui est un petit peu hors des sentiers battus, vous pourriez aller au The Pearl à Bruxelles. pour aller manger là, il faut plonger 16 pieds en dessous de la surface de cette piscine intérieure. Selon Reuters, The Pearl, c'est un pod, donc un endroit encastré de 6 pieds de large qui est seulement accessible par plongée sous-marine, donc ben, du voyons. Scuba diving. Ouais. Une fois rendu à l'intérieur, on enlève nos équipements et on peut manger des trucs. Évidemment, on est dans un espace hermétique. Là. Mm-hmm. Donc, c'est super bien fait. Parmi les choses qu'on peut manger sur le menu, du foie gras, de la salade de homard, on peut boire du champagne. Évidemment, les prix vont avec l'expérience. Hein. Tout au complet, ça va coûter 106 $ américains par personne. Ça va dépenser donc beaucoup d'argent d'un restaurant sous l'eau. Il y a aussi d'autres restaurants sous l'eau ailleurs dans le monde qui ne vous demandent pas de vous mouiller, là, qui sont juste il y a une porte d'entrée normale, mais vous êtes dans l'eau avec les poissons et tout ça. Donc allez voir les liens pour d'autres endroits où vous n'aurez pas à plonger vous-même. Ensuite, c'est une microbrasserie. En fait, ça parle juste d'un brasseur à Londres qui donne de la bière gratuite à chaque fois qu'il pleut. Hein? Ouais, grâce à Fuller's Brewery, la météo ou le bulletin météo de Londres est très important. C'est metro.co.uk qui nous dit que la compagnie locale essaie de profiter d'un hiver mouillé en offrant aux utilisateurs de réseaux sociaux une pinte gratuite de leur bière signature London Pride à chaque fois qu'il pleut. Et l'offre est bonne jusqu'à la fin du mois de février à Londres. Donc voici comment faire. Vous allez suivre le fil Twitter officiel de London Pride qui, entre 11h du matin et 23h, a un feed en direct d'une caméra qui pointe par la fenêtre du restaurant de la place. Et si vous voyez de la pluie, vous devriez leur donner un petit shout-out avec le hashtag mot-clic When it rains, it pours, comme quand il pleut, ça coule, là, quand il pleut, ça tombe. C'est une phrase assez connue en anglais. Ça va vous permettre donc de recevoir un code que vous allez pouvoir utiliser pour avoir votre bière gratuite dans n'importe quel pub Fuller. La London Pride est une bière ale anglaise classique, cuivré avec beaucoup de mousse blanche sur le dessus. On dit qu'elle est un petit peu bitter. Est-ce que c'est âcre ou amer? Quelque chose comme ça, mm-hmm. si on veut. C'est donc une... Il y en a d'autres qui vont dire que c'est une English Pale Ale. Tu vois, moi, je connais absolument rien à la bière, mais tout le monde sait que c'est une bière classique et très populaire. Fuller's Brewery a aussi recruté le météorologue légendaire de la BBC, Michael Fish, Michael Poisson, pour participer à la campagne. Donc, qui est évidemment... Monsieur Météo qui annonce quelque chose qui va faire la météo. C'est le fun. Exactement. Ensuite, pour la Saint-Valentin qui vient de passer il y a quelques jours à peine, vous pouvez manger des ramen au chocolat à Tokyo. Ew. Oui, les soupes au Japon, c'est pas pour tout le monde. C'est pas mal plus aventurier qu'on pourrait le penser. On peut dévorer, par exemple, de grands bols de ramen pour gagner des prix en argent. On peut manger de la crème glacée au ramen. On peut même tremper son corps au complet dans un bain de nouilles ramen. Donc, Minya Musashi a rendu hommage à la Saint-Valentin, où en fait le fait à chaque année en servant une soupe de nouilles au chocolat dans des endroits à sélectionner. Selon Rocket News 24, on nous dit que ce spécial-là est disponible seulement pour les deux premières semaines du mois et que ça change un petit peu chaque année. Pour fabriquer la soupe, Minya Musashi utilise une marque de chocolat qui s'appelle Ghana, nommée en hommage en l'honneur du pays africain Ghana, hein, qui est un exportateur de cacao. Et ça a été créé tout ça par le fabricant de bonbons ou de confiseries asiatiques Lotte. Cette fois-ci, cette année, donc les nouilles ramen au chocolat s'appellent Tsuke Ghana 2017. C'est des nouilles style Tsukimen, ce qui veut dire que le plat vient en deux bols. Un est rempli de nouilles et de garniture et l'autre est rempli de bouillon dans lequel on peut tremper les nouilles. Donc okay. Le bouillon contient environ une barre, un petit peu plus qu'une barre de chocolat Ghana. Avec du porc de l'autre côté, des légumes verts. Sur les ramen, il y a aussi un morceau de chocolat et des boules de foie gras garnies de poudre au chocolat avec un centre chocolaté. Mike! Wow! Donc voilà, évidemment, c'est passé, c'était jusqu'au 14 février, mais quand même, ça va revenir l'année prochaine si vous voulez faire un petit voyage au Japon au moment de la Saint-Valentin. Ensuite, la science derrière pourquoi et comment on boit autant de lait. Le lait est rempli de protéines, de gras, de vitamines, ce qui fait que c'est une bonne source de nutrition pour les petits bébés. Les États-Unis et le Canada, l'Amérique du Nord en général, l'industrie des produits laitiers, ça fonctionne super bien. Les adultes en boivent beaucoup. Je connais plein de gens qui boivent du lait avec leur repas. Moi, je comprends rien à ça. Oh. J'aime pas le goût. J'ai des amis qui mangent du spaghetti avec du lait. Ah! Spaghetti et lait? Ouais, non. Ça, là, dans ma tête à moi, automatiquement, ça fait des motons dans l'estomac. Ça passe date directement dans le système, c'est non. C'est non. Pas c'est, du tout. On dirait que t'as une moins grande tolérance à tout ce que les gens mangent avec du lait un coup que t'es intolérant au lactose. Ouais, ça caille certainement. Tu te rends compte à quel point c'est dégueulasse. Donc, une vidéo de TED, tu te rappelles, on a parlé de TED avec hier. Donc, le narrateur Allison Anderson, j'adore son nom, ça dirait un nom de personnage de bande dessinée. Addison Anderson. Addison Anderson. Ouais, détective privé. Exactement. Hey, je m'en allais dire exactement la même chose. Clairement. Donc, ça nous dit un petit peu, ça nous en dit plus sur cette vidéo-là, sur notre, sur la boisson préférée de certains, expliquant comment les mammifères produisent leur lait et pourquoi les humains préfèrent le lait produit par des animaux comme les vaches et non pas celui de... des humains. Hein. Et comment... Non, pas celui des amandes. Oh. Et comment on utilise la technologie pour prolonger la vie, la durée de vie sur les tablettes du lait. Pour le rendre plus sécuritaire, ouais. Il faut pas oublier que la plupart des humains, en fait, peut-être pas la plupart, une bonne partie des humains ne boivent pas de lait. En fait, oui, j'ai dit tantôt, la majorité, c'est la majorité, je regarde le chiffre, 65% environ de la population humaine a une certaine forme de d'intolérance au lactose. Toi et moi, on sommes victimes. Exactement. On dit, surtout les toits, intolérance au lactose. À tous les jours! Ce qui veut dire qu'on les est pas... Les gens nous demandent pourquoi on boit notre café noir. Ben, un, c'est meilleur. Un, c'est meilleur, ça réveille plus. C'est... Deux, ne me mets pas du lait dans mon café. C'est dégueulasse, mais pas de la crème surtout. Ça, c'est vraiment mourir. Pas le fun. Ah, yark. Bref, 65% de la population humaine est intolérante au lactose, ce qui veut dire qu'on n'est pas capable de digérer le lactose, donc c'est le sucre dans le lait et dans les produits laitiers. C'est pour ça que quand on parle de lait sans lactose, c'est pas du lait sans lactose, c'est du lait avec du lactose, mais aussi de la lactase qui vient décomposer dans ton corps le lactose. T'sais. Exact. Le nom est un peu bizarre. Bref. Les cellules du petit intestin produisent une enzyme qui s'appelle le lactase, comme je viens de le dire, qui défait le lactose. Et certains gens en produisent moins quand on devient, quand on vieillit un petit peu, là, passé l'âge d'être enfant. Résultat, on souffre de douleurs à l'estomac, de gonflement, de gaz, de nausées et de diarrhée après avoir consommé des produits laitiers. La condition est très commune chez les personnes qui viennent de l'Est de l'Asie. Les gens de l'Afrique de l'Ouest, les Arabes, les Juifs, les Grecs, les gens de descendance italienne, ça je crois que c'est Tania, voilà. Exact, moi j'ai aucune idée d'où je viens et ça m'importe très très peu. Mais donc ça c'est selon les National Institutes of Health. Allez voir la vidéo de Science of Milk par Jonathan J. O'Sullivan, qui lui a plus l'air de comptable avec son nom, je trouve. Jonathan J. O'Sullivan et sa détective privée Addison Anderson. Ouais. Ensuite, vous pourriez vous faire payer pour manger du chocolat Cadbury. S'il y a un chocolat qu'on aime bien dans la vie, je crois que c'est le chocolat Cadbury, tout le monde, n'est-ce pas? Oh my God! Et vous pourriez vous faire payer pour manger ce chocolat. C'est Mondelez International. Tu connais la compagnie qui est propriétaire de Cadbury, de Oreo et de plusieurs autres compagnies de bonbons et de chocolat confiserie. Ils cherchent donc un goûteur de chocolat selon The Independent. C'est un emploi de rêve à temps partiel, malheureusement, qui serait situé au Royaume-Uni, donc vous pourriez en plus avoir une bière à chaque fois qu'il mouille. Donc ça se passe dans la ville de Reading et c'est donc de goûter du chocolat et du cacao avec un panel de 11 personnes d'experts en chocolat. Vous allez donc aider Mondelez à créer et à lancer de nouvelles confiseries à travers le monde. Donc préparez-vous à avoir du pouvoir international. Selon maisonfrance.com, donc vous allez avoir besoin d'un vocabulaire clairement défini pour décrire et distinguer parmi les nouveaux produits. Ce qui veut dire que vous allez devoir commencer à étudier des phrases comme des notes de miettes de pain. Des notes de croûte de pain pour décrire votre bonbon préféré. Vous allez aussi avoir besoin de connaissances d'éthique reliées au chocolat, apparemment. Donc, la publicité dit que vous allez devoir poser des questions lorsque vous faites face à un défi éthique. Plein de trucs, de règles à suivre dans le chocolat. Vous devriez donc manger autant de chocolat que possible avant de vous présenter à l'entrevue. Cherchez peut-être des œufs Cadbury ou Oreo. Faites attention au lait au chocolat si vous êtes absolument intolérant au lactose. Tout à fait. Il faut passer le message à la chasse-galerie. Chocolat noir, chocolat. Oui, ils doivent acheter de la poudre de chocolat pour faire leur mochaccino. Oui, je suis tout à fait d'accord. Là, on met quelque chose au clair. Là, le Vico, là, hein, ça marche pas avec nous autres. C'est ça, exactement. Il y a du lait de soya au chocolat. Ok, oui. Puis il est excellent. Et en plus, c'est qu'ils font des cafés glacés avec du lait de soya à la chasse-galerie qui est parfait en passant, sauf qu'il n'y en a pas toujours. Mm-hmm. C'est très bien. Pensez à nous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on est vraiment nombreux. 65% de la planète, dude. Imagine quel est le pourcentage à l'université. Clairement, c'est élevé. Il y a une grosse population internationale à l'université. Bon, bref, réveillez-vous, logique. Ensuite, on parle de chips croustilles. Hein? Mm-hmm. Les Lay's Poppables. Au cheddar blanc et au sel de mer. Oui, c'est des petites croustilles en forme de rondelles avec des trous dedans. Tu sais, des affaires comme très remplies d'air. Là. On a déjà vu ça dans des craquelins remplis d'air. Donc, ils sont vraiment comme des genres de ballons de football, si on veut. Je dirais plus des hosties gonflées, mettons. OK. Donc, c'est des expériences de saveur chez Lay's. Ils ont décidé de changer un petit peu la forme de leur croustille pour une innovation. Hein. C'est des Poppables en 3D qu'on peut facilement s'envoyer dans la bouche. Donc, un joli petit design. Le sac est super mignon avec plein de petits ronds dessus. C'est vraiment cute, un genre de design polka dot. Donc allez voir Lay's Popables. Je suis certain qu'on va voir ça au Québec dans les prochains mois probablement. C'est pas même déjà fait. Donc Cheddar Blanc et Sel de Mer. J'ai hâte de les croiser en magasin pour pouvoir les amener à l'émission. Un autre spotted, c'est les Ruffles Flamin' Hot aux États-Unis. Oh oui, les Ruffles, on aime toujours ça. Et là, en plus, celles-là ont non seulement des petites vagues, des ridges, comme on l'appelle, mais c'est Ruffles Flamin' Hot brûle la bouche, apparemment. Donc, c'est disponible aux États-Unis pour l'instant, et j'imagine que ça va venir chez nous plus tard. Ruffles Flamin' Hot, un peu comme... d'après moi, c'est le même genre de Flamin' Hot, parce que ça ressemble au logo aussi, que les Cheetos Flamin' Hot. D'après moi, même genre de saveur. Possible. Ensuite, une vinaigrette miso et citron que vous devriez mettre sur tout ce que vous mangez. C'est une vinaigrette, c'est aussi une trempette, c'est peut-être même, certains diraient, une marinade. Mm-hmm. Mm-hmm. Ça ressemble à un peach, mais non, c'est, ça vient de Portland, de chez Ox, oxpdx.com. Donc, une vinaigrette qui est faite de miso blanc, de jus de citron frais et de zeste de citron, d'ail, de mayonnaise et de poivre noir. Et apparemment, c'est super simple à faire. Vous pouvez l'utiliser, comme j'ai dit, comme marinade ou comme trempette, ou même le manger avec une cuillère, si ça vous intéresse. Donc, allez voir la recette sur assemblagerequis.com. C'est super simple d'aller cliquer sur le lien des notes de l'émission numéro 1071. Apparemment que c'est vraiment très bon. Ensuite, on va chez Tim Hortons, qui vient de partir une nouvelle mode. Tania, on a parlé de leur churros il y a quelques semaines, mais c'est pas de ça qu'on veut vous parler aujourd'hui. Leur nouvelle mode chez Tim Hortons est apparemment, et c'est très répandu au Canada, de ne pas remplir le verre au complet. Pardon? Et après avoir mis le couvercle dessus, on s'entend qu'on s'en rendra pas compte et qu'on paie le même prix. On se comprend là-dessus. Donc, les baristas, apparemment, chez Tim Hortons, je sais pas, ça doit être à cause qu'ils laissent de la place pour le lait? Ben... Pour vrai, le verre a l'air d'être comme trois quarts rempli. Fait que si tu mets le quart de ton verre de lait, il va être frais en titi. C'est vrai. Moi, je pense qu'ils ont reçu la directive de la maison mère de remplir les verres aux trois quarts puis que les gens s'en rendront pas compte. Non? Peut-être. Mais ça, c'est ma théorie du complot puis c'est mon côté cynique un peu. Mais je trouve ça bizarre que tout le monde sur Twitter parle de ces verres à moitié remplis. Est-ce que c'est parce que le concours déroule le rebord a lieu puis que les gens finissaient pas leurs verres fait qu'ils se sont dit, bon, on va les laisser dérouler le rebord sans faire de dégâts? Je sais pas, on ne peut que sortir des théories, mais il y a un article sur InsideTimmies.com qui nous montre toutes les photos Twitter des gens qui viennent juste de recevoir leur verre et qui est vraiment, comme je dis, trois quarts rempli, que ce soit de l'eau pour le thé, que ce soit un café noir, café avec mochaccino dedans, café français, je sais pas, vanille française, peu importe, les verres ne sont vraiment pas remplis comme avant et c'est louche. C'est sûr que peut-être que Tim Hortons les remplissait un petit peu trop par moment. Ça faisait des dégâts quand tu mettais entre tes jambes. Tu sais, quand tu conduis, des fois, tu mets ça entre tes jambes. As-tu déjà échappé un café glacé dans ton auto? Glacé, non. C'est terrible à ramasser. À cause du caramel qu'il y a dedans? Ouais, j'avoue. Mais du café chaud, c'est toujours très, très brûlant. Là. Vous vous rappelez le cas de la madame qui s'était brûlée et qui a poursuivi McDonald's? Allez voir les photos, ceux qui pensaient que c'était une poursuite frivole. Allez voir les photos et allez voir le documentaire là-dessus sur Netflix. C'est des documentaire brûlures. Documentaire là-dessus. Non, c'est vrai. C'est différents cas légaux qu'on pense qui sont frivoles, mais qui finalement avaient. Il y a peut-être raison un peu en regardant les photos de la madame à brûler avec son café chez McDo. C'était assez dégueulasse. Bref. Ensuite, on veut imposer une taxe sur le café aux États-Unis. OK. Ouais. Qui se bat contre l'Empire britannique sur une taxe de thé qui s'est battue, oui. Il y a 250 ans pour une taxe sur le thé. Bref, on sait à cause de ça que les Américains se battent pour ne pas avoir de taxe sur le café. Et ça va être la même chose en 2017. C'est la loi en Oregon qui pourrait changer. C'est un projet de loi qui imposerait une taxe de 5 cents sur chaque livre de café vendu dans l'État, selon la station de nouvelles Coin. Le projet de loi House Bill 2875, commencé par l'Oregon House Committee on Revenue, qui ajouterait donc des fonds à plusieurs programmes, dont le département militaire, Oregon Military Department, des programmes de lecture dans des écoles primaires et des programmes d'écoles secondaires alternatives. Donc la popularité du café aux États-Unis et partout dans le monde fait que ce serait assez facile d'imposer une taxe là-dessus. Les Américains dépensent 40 milliards de dollars sur le café chaque année. Selon Forbes, ça fait 3,6 millions de dollars en taxes potentielles. Donc, une taxe comme celle proposée en Oregon pourrait les aider à faire plus de cash money. Ouh! Ah, celui-là, Tania, pour vrai, me fait rêver. C'est de la crème glacée. En fait, c'est un ajout qu'on peut faire à sa crème glacée pour pouvoir, après ça, casser le chocolat. Qu'il y a par-dessus. En fait, attends un petit peu. C'est un petit pudding. T'as raison. J'étais en train d'ouvrir mes 50 nouvelles pour après. Je m'excuse. J'étais vraiment pas en train de suivre. Donc, le dessert Crack It de Rollo, c'est par la compagnie Cinnabar. C'est donc un petit pudding et sur le dessus, t'as un peu comme t'aurais dans les épiceries. Tu peux ajouter des petits ce genre de trucs que tu squirtes sur ta crème glacée. Que ça fait un. Non, c'est vrai. Tu le squirtes. OK, oui. Comme du ketchup. Ouais. Ou du chocolat. Et ça fait que tu peux casser la couverture sur ta crème glacée. Ici, on le fait dans du pudding et c'est directement dans le bol. T'as pas besoin de rien faire toi-même. Donc, vraiment, ton bol de pudding a une couverture de chocolat dessus et tu le craques et tu le manges et ça goûte le rouleau à l'intérieur. N'est-ce pas fantastique? C'est vraiment très fantastique. C'est au Royaume-Uni chez Asda, c'est la compagnie Cinnabar. Évidemment, on n'a pas ça ici, mais évidemment, des fois, c'est bon de rêver. Et encore une fois, vous pourriez acheter un dessert au caramel qui goûterait le rouleau et squirter votre bouteille de chocolat cassant dessus et vous le faire vous-même. Donc, en même temps, quand un produit n'existe pas dans cette chronique-là, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous le faire à la maison. OK? Bon. Un autre spotted maintenant, c'est du Cherry Sprite. En fait, non, Sprite Cherry, faut dire à l'endroit. C'est donc du Sprite à la cerise. Pareil, okay. comme dans les machines distributrices, tu sais, on a déjà parlé chez Subway, entre autres, qu'on pouvait choisir sa propre liqueur. Eux autres, c'est du Sprite chez... c'est une machine de Pepsi, donc c'est du 7-Up. Donc, tu peux ajouter un jet de cerise, de vanille ou de citron dans les machines Subway. Donc, c'est un peu le même principe et apparemment que c'est super populaire de faire le mélange dans ce cas-ci Sprite et cerise. Et le Sprite est un petit peu plus... un petit peu plus neutre côté agrumes. Je trouve vraiment que le 7-Up goûte vraiment beaucoup, beaucoup les agrumes, alors que le Sprite est comme un petit peu plus une eau gazéifiée, à savoir d'agrumes, c'est moins fort, moins intense, donc je préférerais probablement le Sprite à la cerise. J'aurais bien envie d'essayer ça, peut-être qu'on l'aura un jour. Mais d'ici là, faites-vous un petit mélange 7-Up Cherry, c'est bien populaire. Ensuite, ça c'est une nouvelle qui a fait le tour de Facebook. Je me permets d'en parler un petit peu rapidement parce que la Saint-Valentin vient de passer, mais un bouquet, oui, un bouquet présenté par PFK de petits morceaux de poulet. Hein? Donc le KFC boulet, poulet, voyons. Boulet? Boulet, ben, c'est le mélange entre bouquet et poulet. Une boulette? C'est le boulet. Donc un nombre limité ont été fabriqués. J'ai le cerveau en boogie. En boulette? Donc, c'était pour la Saint-Valentin. PFK a ajouté donc à la mode du bouquet mangeable. Il y en avait eu avec du jerky qu'il y avait eu il y a quelques semaines. Je pense que oui. Donc le bouquet qui n'est pas disponible partout dans le monde. En fait, le menu était seulement disponible sur une base limitée à Auckland, en Nouvelle-Zélande, le 14 février seulement. Et PFK faisait aussi un concours Facebook où les couples pouvaient partager leurs histoires pour participer à un concours pour gagner un bucket, un seau de poulet frit en forme de cœur qui s'appelait le Chicken Gram. Comme un... comment on appelle ça? Voyons, c'est, comment on appelle ça? Quand tu vas chanter chez quelqu'un. Là. Pas un style. Sans... Hein? Dire un télégramme chanté? Télégramme chanté, voilà! C'est un peu le même principe, donc oui, un chicken gram. Le concours était seulement pour les Canadiens, mais ça, vous en avez certainement entendu parler, c'est pour ça qu'on n'a pas parlé dans les semaines précédentes. Ensuite, on vient avec... je pense qu'on pourrait... on va faire les trois dernières, comme ça va être fait. C'est un brasseur brésilien qui fait de la bière avec des arbres bonsaï à 20 000 $. Le marché de la bière des microbrasseries est super populaire et dans le cas de Heroica, qui est situé dans la ville brésilienne de Hyundai, environ à 1 heure de Sao Paulo, la petite brasserie Gypsy se fie sur des arbres bonsai sur un bonsai master, un maître des bonsai, pour fournir les ingrédients de leur processus. Donc les bières de Heroica combinent du houblon, de l'orge et de la yeast. C'est quoi déjà? J'oublie tout le temps, excuse-moi. Ouais, c'est ça. C'est un des mots difficiles de mon vocabulaire. J'ai tellement pas de mémoire, c'est de la levure. Ah, de la levure. Donc, de la levure, oui. On utilise aussi des branches d'arbres bonsaï japonais qui sont centenaires. Vous avez, pour les recettes, vous pouvez aller voir sur l'article, mais on parle de branches qui viennent d'arbres qui peuvent coûter... De bonsaï qui peuvent coûter plus de 20 000 $ américains. What? C'est super cute, allez voir ça. Ça vous parle de comment c'est venu dans leur idée de faire ça. Les bonsaïs, ça va devenir en voie d'extinction. Probablement. Et finalement, pour terminer, Burger King en Israël qui offre une version pour adultes, leur repas pour enfants, donc les joyeux festins style chez McDonald's, mais ici chez Burger King. Donc un menu pour adultes avec un objet sexuel pour adultes, mais c'est en Israël. Selon Adweek, ça contient 2 Whoppers, 2 frites, 2 bières et un objet romantique pour adultes. Ah, ouais. C'est dans une boîte spéciale qui est seulement disponible à la Saint-Valentin et seulement après 18h. Donc il y a vraiment plusieurs facteurs. Là. C'est pas quelque chose qui s'en vient. C'est déjà fait, puis c'est trop tard. Seulement à Saint-Valentin, seulement après 18h. Et étant donné qu'il y a de la bière et le jouet pour adultes, il faut avoir plus de 18 ans pour l'acheter avec une preuve. Il y a une petite vidéo pour vous montrer de quoi ça avait l'air. Rien de trop risqué dans la publicité, si vous voulez aller voir ça. Ça peut être un... on voit les objets. OK, un plumeau, un affaire pour te masser la tête. Ouais. Puis un affaire pour te coucher. Là, un masque pour les yeux. Là. Pour les yeux. Ouais. C'est pourri. C'est drôle. Mais non, mais là, excuse-moi, là, mais ce sont pas des jouets pour adultes. C'est le Adult Meal quand même. Voilà, les liens sont sur les notes de l'émission numéro 1071 sur assemblagerequis.com. Voilà pour une grosse pointe, all dress.

et tout de suite le sortir du micro-ondes aussi qui est gonflé peut-être. Ben oui, exactement. Écoute, on pourra peut-être faire un petit spécial la prochaine fois que je venais, puisqu'il m'en reste un, celui vanille française et pépite de chocolat. Je dois avouer qu'il m'intéresse quand même beaucoup. Je pense qu'on va avoir quelque chose d'assez décadent et sucré. C'est le fun qu'à chaque semaine, t'es un restant de la semaine d'avant. T'sais. Ah, ben oui, écoute, c'est des restants de l'autre fois. Le restant à GP, c'est comme ça que ça va s'appeler, la chronique. On savait pas trop, là, donc voilà. Génial. Donc la prochaine fois, on commencera avec un vanille française et pépites de chocolat. Génial. On rappelle qu'on te retrouve aux 3 semaines. C'est loin. Oui, tout à fait. Ça va nous mener quand même au, même pas le 9, ça va être le 16 mars. Wow. Donc peut-être qu'on aura encore moins de neige. Peut-être, et oublie pas que ça va être la veille de ma fête, le 16. Donc je sais pas si ça va être du gâteau après. Oui, ben on a déjà un mug cake. Donc il ne manquera que les bougies et, ça va être le mug cake. Oui, les bougies. Et voilà. On attend ça là, dans 3 semaines. Merci Jean-Philippe Charbonneau. Puis là, c'est dommage, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait de mes verres pour boire le délicieux Dr Pepper. Ah oui, là, qu'on a dit faut. Que on avait fait que c'était la récurrence finalement de cette chronique. Ça va être pour l'après-match. Donc ça sera l'après-match. Nous, on va déguster ça hors d'onde pendant que vous prendrez des cafés. Miam. Waouh, super. On rappelle le Facebook qui va être préenregistré mais qui va être disponible sur la page d'Assemblage requis. Exactement. Merci Tania d'avoir filmé ça. Merci ça Jean-Philippe Charbonneau. C'est un petit coup de Venise. Pareil, oui, ce petit gâteau-là. On va y retourner, c'est clair qu'on va y retourner. C'est sûr. Retourne. On replonge là-dedans, c'est clair. Voilà, on fait une grosse pointe d'adresse tous les jeudis matins à Assemblage requis. C'est la fin de l'émission pour aujourd'hui. Merci à Alassania Couilly qui est passée pour nous parler des élections de la GEQDR. Merci à Alex Marchand qui était là en différé pour la chronique de la GE. Encore une fois, Jean-Philippe Charbonneau. Merci Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. On se retrouve lundi et à l'émission lundi, on aura en fait déjà le retour d'Alassania qui va être là. C'est bien ça? Il me semble que c'est ce qu'on avait dit. Oui, hein? Oui, me semble. Ça, ouais. Donc, il va être avec nous à... Oh, non, attends, je pense à la semaine d'après. Je mets là un petit peu. Bref, peu importe. Alors, on va avoir un nouveau chroniqueur à partir de lundi. Dominique Note Mavungu qui va venir nous faire une chronique sur l'Afrique. On va aussi avoir Sport et Filoché avec toi à l'émission de lundi entre 6h30 et 9h30. Sur nos ondes plus tard, aujourd'hui, Génie en Liberté, évidemment, va être là à 9h30 pour parler d'actualité. Ensuite, à 11h, ce sera Patriote en action, l'émission de sport. La rediffusion du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante à midi. Ensuite, à 15h, rediffusion de La Sortie Secours est à votre gauche. 16h, en direct, c'est l'Hop Trotter avec David Ferron. 17h, rediffusion de Radio Sonic. 19h, en direct, Très Blues, Assez Fou. Il est de retour après une semaine de... Non, est-ce non, qu'il n'est pas de retour? Il n'est pas de retour. Il est toujours en Floride. Combien de temps, mais qu'il revienne? Une semaine. Bon, ben, il va être là la semaine prochaine. Bon, on va savoir. C'est le fun à savoir. C'est pour.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados de diffusion. On se quitte là-dessus. Bonne fin de semaine. Bye. Bon café. Bon Dr. Pepper. Aussi.